الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه من تبع أثارهم فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On a pu voir dans le cours précédent les azkar, les invocations qui sont relatif au moment de se lever. Que doit dire le mu'min lorsqu'il se lève? On a vu que le prophète, il est authentifié de la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, trois hadiths. Le premier hadith qui est de dire, lorsqu'on se lève, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Le deuxième hadith qui est sabit anil nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de dire la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et il dit, celui qui ensuite demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il sera pardonné. Et si jamais il prie Allah subhanahu wa ta'ala, va accepter sa prière. C'est un hadith qui est عظيم جدا. C'est parmi les causes de l'exaucement et la validité et l'acceptation de nos œuvres. Et le troisième, c'est, on l'a rajouté, il n'est pas dans le kitab, que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme ça rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhum, il s'est élevé. Enfin, il a dit, il a lu plutôt les 10 derniers versets de Sourd al-Imran. Enfin, dans les cas, ça fait partie des sunan. Ça, c'est les trois hadiths qui sont authentique. قال رحمه الله تعالى قال باب ما يقول لصاحبه إذا رأى ثوبا جديدا. Le chapitre concernant la vocation que le mu'min doit dire lorsqu'il porte, ou plutôt lorsqu'il voit un vêtement qui est neuf. قال وإذا كانت أنثى, et si jamais la personne qui a le vêtement c'est genre féminin, قال أبلي وأخلقي, qui sont deux termes qui sont utilisés, il y en a pour souhaiter à cette personne-là que le vêtement dure. أبلي وأخلقي, ce sont des termes qui sont évoqués, que avaient l'habitude d'utiliser les Arabes pour souhaiter à autrui que son vêtement il dure. أبلي وأخلقي, ça c'est si jamais c'est une femme. قال ثلاثا من باب التوكيد, et il a dit cela trois fois. Abli wa akhliqi, abli wa akhliqi, abli wa akhliqi. Hawana abli, c'est le fa'il, le sujet, c'est féminin. Hawana abli. Abli, c'est-à-dire que elle vit longtemps. Wa akhliqi, c'est-à-dire que ces choses-là soient, yani, se déchirent. Lakin, ce qui est voulu, hawana, c'est pas que ce vêtement se déchire, lakin, que ce vêtement-là reste avec toi très longtemps jusqu'à ce que ce vêtement-là se déchire, parce qu'il va être ramené à s'user. فَهَذَا هُوَ الْمُرَدْ أَبْلِي وَأَخْلَقِي, c'est un أُسْلُوب عَرَبِي. وَقَالَ إِذَا كَانَ ذَكَرًا, si jamais il est genre masculin, فَتَقُولْ أَبْلِي وَأَخْلَقِي, أَبْلِي وَأَخْلَقِي. Ama le premier أَبْلِي, tu appuies, parce qu'il y a المخاطبة qui est propre au féminin. Ama هَهُنَا أَبْلِي بِدُونِي بِدُونِيَ, أَبْلِي وَأَخْلَقِي, si jamais c'est un genre masculin. Enfin, ça c'est la doua qui est légiférée à dire lorsque tu vois sur ton frère ou bien sur ta sœur un vêtement qui est neuf. Fait le haqiqa, ces termes-là, le fait de dire abli ou akhliqi ou abli ou akhliq, c'est un signe qui montre, ou plutôt ceci découle de la mahabba fillah. J'aime mon frère fillah, et la sœur aime sa sœur fillah ya azza wa jal. Fait naturellement, ils vont être de nature à dire des bonnes paroles. Wa min zalika, le fait de faire des doigts pour eux, les invocations, pour que leurs vêtements y en aient dur et qu'ils en profitent au maximum. Et ça découle de la mahabba fillah, subhanahu wa ta'ala. Ce genre de doigts-là ne peut que découler d'une personne qui t'aime fillah, jalla wa ala. Amma, celui qui est hasid, l'envieux, qui t'envie sur une ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, alors que c'est Allah qui t'a donné, tu ne fais que recevoir cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait il t'envie. Enfin, hadha l'envieux, cette personne-là, il va jamais prononcer pour toi ce genre de parole. Al-Hasid, abadan, c'est-à-dire, qu'il dit, akhlaq, ou à abli ou akhlat. Au contraire, il va demander dans son fort intérieur que ce vêtement se déchire et qu'il s'use le plus rapidement. Cette dua là, c'est ça découle de la mahabba fillah subhanahu wa ta'ala. Abli wa akhlati wa abli wa akhlat. Lorsque tu vois un vêtement qui est neuf, na'am. Il y a d'autres hadiths qui sont évoqués à ce sujet-là, lorsque tu vois un vêtement qui est neuf sur ton frère ou bien sur ta sœur. Comme le hadith de Ibn Umar radiallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'a ala Umar qamisan. Ibn Umar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu sur Umar un qamis qui était neuf et blanc. Faqala, ou plutôt un qamis qui était blanc. Faqala thawbuka hadha ghasilun am jadid. Il lui a demandé, est-ce que ce vêtement-là est neuf ou bien est-ce qu'il a été lavé? Faqala bal, qala la bal ghasil. Non, il a plutôt été, il est lavé. Faqala ilbis jadidan, wa ish hamidan, wa mid shahidan. Il a dit ilbis jadidan et il lui a fait une dua. Qu'Allah azza wa jalla lui fasse la faveur de pouvoir porter de nouveaux vêtements. Qala wa ish hamidan et vit dans l'équité. Hamidan, c'est-à-dire mahmoudan. Wa ish hamidan et ish mahmoudan. Et il souhaite que cette personne-là vit dans, que sa vie soit louable. Yani dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ish hamidan, ça peut être aussi, kadhalika, le sens de ismu fa'il. Et c'est une dua qui est faite pour lui pour qu'il fasse beaucoup de tahmid. Et que cette personne-là vit dans la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit beaucoup remerciant et qu'il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça peut être compris dans les deux sens. Parce que la kalima dans la langue arabe qui est sous la forme de fa'il, ça peut avoir le sens de maf'oul wa fa'il. عِشْ حَمِيدًا أي عِشْ مَحْمُودًا. Vis dans l'agrément d'Allah عز وجل, en sorte que tes œuvres soient louables et qu'Allah les agrée. وَعِشْ حَمِيدًا بِمَهْنَا عِشْ حَمِيدًا. Et vis dans la louange, que tu fasses beaucoup de tahmid, que tu loues Allah عز وجل énormément. قَالْ وَمُدْ شَهِيدًا. Et مُدْ شَهِيدًا, ça peut être شَهِيدَ الْمَعْرَكَ, dans le combat, ou bien parmi les asbab qui sont considérés comme le martyr, comme le fait de mourir fi ta'un, le fait de mourir d'une maladie du ventre, le fait de mourir noyé, le fait de mourir yani sous une maison qui s'effondre ou un bâtiment, il a khari. Fahada kazalika, c'est compté comme étant shahada. Lakin ce hadith là, ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan, c'est un hadith qui est mu'al. C'est-à-dire c'est un hadith d'apparence qui est authentique, lakin qui comporte des défauts. Ça, c'est la terminologie qui est utilisée pour ce genre de hadith-là, qui d'apparence est authentique, lakin qui comporte des défauts. Hadithun muhal. L'imam Yahya ibn Ma'in, qui est un grand imam du Jahl wa Ta'dil, il a dit, hadha hadithun munkar. C'est un hadith qui est munkar, c'est-à-dire qui est da'if jiddan. C'est une chose qui est née, c'est un hadith qui est très étrange. Wa qala l'imam an-Nasa'i rahimahullah ta'ala, un imam qui est connu, il a dit, kadhalika, hadha hadithun munkar, c'est un hadith qui est étrange. Un hadith qui est très étrange. قال وأنكره يحيى بن سعيد القطان. C'est avec un troisième imam. Parmi les grands imams du hadith, il a évoqué que ce hadith-là, كذلك, il est étrange. وكذلك أبو حاتم. أبو حاتم, le grand imam dans le Jahl wa Ta'dil, il a dit, هذا حديث باطل. C'est un hadith qui est vain, qui est faux, qui est caduque. Enfin, ce hadith-là, même si jamais certains des ulama vont l'authentifier par rapport à la chaîne de transmission qui et soit Hassan ou bien Sahih, lakin, lors de ce genre de situation-là, où les grands imams, à l'époque, ont tous, ou pour la plupart, évoqué que ce hadith-là, il a un défaut, on ne peut pas se permettre, après, de venir, et d'avoir un effort d'interprétation, et de dire que le hadith, il est authentique, non. Parce que ces personnes-là, ils étaient plus à même de savoir les hadiths, yani, qu'ils étaient mal appris ou bien appris. Ces personnes-là font partie des, pour la plupart, ils font partie de l'époque de l'imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in, c'est de l'époque de l'imam Ahmed, An-Nasa'i, c'est un peu après, Abu Hatim Kadhalika, c'est un peu après, donc ils font partie, pour certains de l'époque lumière, et pour certains de l'époque qui est venue juste après. Donc ce sont des gens qui avaient une connaissance approfondie des hadiths qui étaient propagés par ceci et par là. Donc le fait que ces imams s'accordent à dire que ce hadith, il a un défaut, que ce hadith, il est étrange, que ce hadith, il est vain, on peut pas venir derrière en tant que, on va dire, rechercheur que bahith, et de dire, de pas prendre en considération les paroles de ces ulama, et de dire le hadith est sahih. Cheikh Maqbar, rahmahullah, il a une très belle parole sur cela. Il dit il y a une différence entre ces hommes-là et les hommes de notre époque. Il dit le meilleur parmi nous, c'est un bahith. C'est un bon chercheur. Il va faire des investigations. Lakin, il dit les hommes de cette époque-là, eux, c'était des a'immas. C'était des grands imams. Donc il dit tu ne peux pas mettre dans la balance et comparer un imam qui, eux, mémorisaient les hadiths, c'est-à-dire la chaîne de transmission du début jusqu'à la fin, il avait dans le cœur, et tu peux pas le comparer à un bahith, un chercheur de notre époque. Enfin, ce hadith-là, la parole qui est prépondérante, c'est la parole de ces imams. Ce hadith-là n'est pas authentique. Il bisjadidan wa ish hamidan wa mutshahidan. Ce n'est pas un hadith authentique comme on a pu entendre de ces 4 ou 5 imams, parmi les grands imams, ou écrit Fidalika, l'imam Abu Hatim, ou Yahya ibn Ma'in. Très grands imams. Enfin, ils ont dit que ce hadith-là, il est baratel. Kazalika, un autre hadith qui est venu dans ces termes-là. Hadith, Sahl ibn Mu'adh, ibn Anas, al-Abi. Sahl ibn Mu'adh, il a rapporté de son père que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qala man labisa thawban, celui qui porte un vêtement. Faqala, alhamdulillahi alladhi kafani, hada wa razaqanihi. Min ghayri hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et dans ce hadith, celui qui porte un vêtement, et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui dit après cela, Alhamdulillah, louange à celui, Kassani qui me l'a vêti, wa razaqanihi min ghayri hawlin, et qui m'a donné ce vêtement-là sans que, min ghayri hawlin wala quwwa, par sa pleine faveur, قال غفر له ما تقدم من ذنبه. Il sera pardonné ses péchés antérieurs. Et ce hadith, كذلك, il est pas authentique. Car il y a dans la chaîne de transmission Sahl ibn Mu'adh, qui est faible, comme l'a évoqué l'imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. فكذلك هذا, c'est une dua qui n'est pas authentique. On ramène كذلك les hadiths qui sont da'if, car il y a beaucoup de citadelles qui ont été écrites dans ce sujet-là. Et il y en a, comme l'a dit le cheikh dans la préface du livre, il y en a qui n'ont pas fait trop attention sur les recueils des hadiths qu'ils ont introduits dans leur livre, et certains ont évoqué des hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc ça, c'est dans le but, on évoque ces hadiths qui ne sont pas authentiques, dans le but que tu t'abstiennes de dire des choses dont tu penses que ça fait partie des sunnahs, alors que ce sont des choses qui ne sont pas authentique. Et le prophète, il a bien dit, Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui force sur moi un mensonge, qu'il se réserve une place en enfer. Donc, ça passe par le fait de s'assurer lorsqu'on évoque des choses et on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de ces dernières, de savoir au préalable est-ce que ce hadith-là, il est authentifié. Sinon, c'est très dangereux. On ne peut pas se permettre de se dire, bon, le hadith, il a été rapporté. Et bien, du fait qu'il est rapporté qu'on le trouve dans un livre, donc on peut le dire. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'on évoque ces hadiths qui sont faibles afin de prendre garde à ne pas les dire. Non. Et on se contente de dire ce qui a été dit. Kazalika, on évoque un hadith qui n'est pas authentique, qui est relayé aussi kazalik. Hadith Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, annahu sami'a, qala sami'ta Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai entendu le prophète, alayhi wa sallam, dire, man labisa thawban jadidan, celui qui porte un nouveau vêtement. فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي. Louange à celui qui m'a vêti d'un vêtement par lequel ou par le à travers lequel je puisse préserver ma aura. وأتجمل به في حياتي. Et c'est une source, c'est un embellissement pour moi dans ma vie. ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به. Puis si jamais cette personne là après que ce vêtement-là soit usé, le donne, fait l'aumône, yani le donne à quelqu'un. قَالَ كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla va le préserver. وَفِي كَفَنِ اللَّهِ كَذَلِكَ سَوَى اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla va le préserver, va le protéger. قَالَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيْتًا. Il sera dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, mort ou vif. Mort ou vif. Ce hadith-là, كَذَلِكَ ce hadith qui n'est pas authentique. La plupart des ulama, ou même, du moins, les muhakkikoun de notre époque, comme c'est le cas de Cheikh Arnaoud ou Cheikh Salim al-Hilali, ils ont tous évoqué que ce hadith-là, il n'est pas authentique. Donc, à Zalika, c'est une chose à ne pas dire. Bon, qu'est-ce qu'on dit lorsque on voit sur son frère ou sa sœur un vêtement qui est neuf? On dit, si jamais c'est une femme, akhlaqi, ou plutôt abli ou akhlaqi. Et si jamais tu le dis trois fois, et si jamais c'est un homme, tu dis abli ou akhlaq. Et tu souhaites par là que ce vêtement dure. Et que cette personne-là, yani, profite de ce vêtement-là jusqu'à ce que ce vêtement-là soit usé. Kadalika mimbab. Mimbab, yani, tatimat al-faïda. Hadith Abi Sa'id al-Khudri concernant le fait de qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on s'habille. Là, on a vu la dua qui est légiférée de dire et qui est bon de dire lorsqu'on a un vêtement qui est neuf. Lakin al-an. Est-ce que le prophète, il évoquait une dua particulière lorsqu'il s'habillait? Est-ce qu'il y a une dua qui doit être dit en particulier lorsqu'on s'habille? Pharaon, on va traiter ce sujet-là. Et les hadiths qui sont évoqués dans ce sujet-là, ils sont tous daif. Fa hadith Abi Sa'id al-Khudri, qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة. البروفيسور صلى الله عليه وسلم إذا كان نوفو فيمون كان يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. البروفيسور عليه الصلاة والسلام lorsqu'il mettait un vêtement, ou plutôt il est dit dans ce hadith là, lorsqu'il mettait un vêtement, que ce soit un qamis ou bien une imama, Allahumma lakal hamd, ô Seigneur, la louange t'appartient. C'est toi qui m'as vêti, as'aluka min khayri, min khayrihi, je te demande le bien de ce vêtement, wa khayri ma suni'a lah, et le bien pour lequel il a été confectionné, pour lequel il a été fabriqué. Qal wa a'udhu bika min sharrihi, et je prends le refuge auprès de toi contre le mal de ce vêtement, wa sharri ma suni'a lah, et le mal pour lequel il a été confectionné. Ce hadith-là, il est Kazadeke et les fables, comme on a pu voir, ou plutôt comme j'évoquais en préface, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Et sa faiblesse, elle est due au rapporteur qui s'appelle Juwayri. J'évoque ça, c'est pour que, Inch'Allah, hein, comme il y a ce hadith-là, il y a un khilaf entre les ulama. Al-Sheikh al-Albani, fi ma'adhkur, il évoque que le hadith, il est authentique. Là, j'évoque le pourquoi du comment, il y a les savoirs, hein, et qui a raison, en fait. Là, je vais évoquer les arguments des deux côtés, ceux qui ont dit que le hadith est authentique et ceux qui ont dit que le hadith n'est pas authentique. Parce qu'à notre époque, ceux qui n'ont pas étudié la science du hadith, ils ont une énorme confiance en Sheikh al-Albani. Et c'est de plein droit ceci, parce que c'était un grand imam, ma'ruf. Lakin, ça ne veut pas dire qu'il ne se trompe pas. Les grands imams, comme l'imam Malik, comme d'autres, ils disaient, si jamais je me trompe, rejetez ma parole, ceci et cela. Enfin, lui-même, il a un kitab qui s'appelle Tarajuhat, c'est-à-dire le... Il a un kitab qu'il a écrit, dans lequel il a évoqué les hadiths, dans lequel il est revenu dessus. Soit il avait jugé qu'ils étaient authentiques, et ensuite il est revenu dessus, il a dit ils sont faibles, ou soit qu'ils étaient faibles, il a revenu dessus, il a dit qu'ils sont authentiques. Donc lui-même, c'est une personne qui fait un effort d'interprétation, donc aujourd'hui il peut dire une chose, et demain revenir. Là, on va évoquer les arguments afin de savoir qui a raison. Est-ce que ce sont les personnes qui ont dit que le hadith il est faible, ou bien les personnes qui ont dit que le hadith il est authentique? Comme on le fait, c'est le cas lorsqu'il y a une mas'ala fiqhiyya qui est relative à la jurisprudence, qu'est-ce qu'on fait? On évoque la parole de chacun des alims et tu vois, toi ensuite, tu fais la comparaison et la parole qui te semble être la plus juste, bah, tu la suis. Dans le hadith, on ne se doit pas de suivre, il y en a aveuglement. Tant qu'on peut savoir comment ils sont arrivés à avoir ce jugement-là, ben on le fait. On va évoquer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, à la fin, qu'on ne suive pas aveuglement et qu'on sache pourquoi le hadith est faible, et on peut aussi, à travers cela, conseiller les personnes qui voient que le hadith il est authentique, leur dire, non, en fait, il est faible parce qu'il y a ceci et cela. Donc le hadith il est faible, et c'est dû à qui? Le rapporteur qui s'appelle Al-Juwayri, qui est qualifié comme étant siqa, comme une personne qui est fiable, qui est mémorisée, lakin, Ariya Rahmatullah, il a été atteint de troubles psychiques et de troubles mentaux. Ça peut arriver. C'était beaucoup de muhaddith, soit parce qu'ils ont vieilli et ensuite ils n'arrivaient plus à annaler les hadiths comme il se doit, ils faisaient des erreurs et se trompaient, ou soit parce que par une cause de maladie, ceci et cela. Enfin, lui, il a été atteint d'une épidémie. Il y a eu un ta'oun, une épidémie dans son époque, qui a fait qu'il a eu des troubles psychiques et troubles mentaux. Avant, il avait une bonne mémorisation, et puis lorsqu'il a été atteint de cette épidémie-là, Enfin, il a eu des difficultés dans la mémorisation. Donc, il s'est mis à narrer certains hadiths et il s'est trompé. Ça, c'est ma'rouf. Il n'y a personne qui renie cela. Juhayri, c'est quelqu'un qui a été atteint de troubles psychiques et mentaux. Ils appellent ça Yarni al-Mukhtalit. Celui qui, dans sa mémorisation, elle a été un peu mélangée, secouée. Enfin, du fait qu'il ait été atteint d'un trouble psychique, enfin, il a narré le hadith tantôt par une chaîne de transmission qu'ils appellent Muttasil, qui est liée. Et tantôt par une chaîne de transmission qui est morcelle, qui est interrompue. Muttasil, c'est-à-dire que chaque rapporteur a entendu de l'autre jusqu'au prophète. Allez, ça s'appelle Muttasil, c'est-à-dire lié. Donc les maillons de cette chaîne-là sont tous liés. Wa ammal mursal, c'est-à-dire que le tabi'i, il a dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Or le tabi'i, il n'a pas rencontré le prophète. Ça, on appelle ça mursal, c'est interrompu. Entre tabi'i et le prophète. Il est en train de prétendre qu'il a entendu du prophète. Or, c'est pas possible. Fa al-Juwayri, il a ramené le hadith, ce hadith-là qu'on a pu voir. Allahumma inni as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'ala wa a'udhuka min sharrihi wa sharri ma suni'ala. Tantôt il a ramené muttasil, chaîne de transmission, maillon, tous liés. Tantôt il a dit yani mursal, c'est-à-dire le tabi'i a dit que le prophète a rapporté ce hadith à Ali sallallahu alayhi wa sallam. Donc laquelle des versions est la plus juste? Est-ce que c'est celle qui est mursal, interrompue, ou bien c'est celle qui est quoi, muttasil? La version qui est la plus prépondérante, c'est celle qui est mursal, celle qui est interrompue. Pourquoi? Ils ont dit les ulama que la version qui est muttasil, toutes ces personnes-là, ce sont des élèves, tous ceux qui ont rapporté ce hadith-là de Al-Juwayri, tous ces élèves, ce sont des élèves qui ont entendu ce hadith de ce shir après qu'il fut atteint de troubles mentaux et psychiques. À l'exception d'un des élèves qui s'appelle Khaled Al-Wasiti, lui, on ne sait pas, on ignore. Est-ce avant ou après les troubles psychiques qu'il a entendu ce hadith de Juwayri, Amla? Lakin, tous ceux qui ont rapporté ce hadith-là, de Juwayri et Muttasil, c'est-à-dire avec une chaîne de transmission qui est liée jusqu'au prophète, ils ont entendu ce hadith de lui lorsqu'il a été, après qu'il a été atteint de troubles psychiques. Donc là, ça pose problème, parce que il se peut qu'il a fait une erreur dans la narration, puisqu'il est atteint de troubles psychiques. Amma, les autres élèves, il y a certains élèves qui ont entendu de lui avant qu'il a été atteint de troubles psychiques, il a rapporté ce hadith en disant que Al-Juwayri m'a rapporté ce hadith que un tel a dit, que le tabi'i a dit, que le prophète a dit. Et cet élève-là, il fait partie en plus des grands imams, qui s'appelle Hamad ibn Salama. C'est un très grand imam. Et qui fait partie des élèves qui ont entendu de Al-Juwayri avant qu'il soit atteint de troubles psychiques et mentaux. Donc là, on va faire prépondérer la version de celui qui a entendu dans un état où ce shikh-là, il était en pleine conscience des hadiths qu'il narrait, que de prendre la version des personnes qu'ils ont entendu de lui après qu'il a été atteint de cette maladie-là. En plus, il y a un élève qui a entendu de lui après qu'il a été atteint de cette maladie-là. Il a dit, le shir m'a rapporté le hadith que le tabiri a dit que le prophète a dit. Donc là, ça appuie encore le fait que ce hadith-là, Wallahu alam, il n'est pas authentique et il est mursal, c'est-à-dire que c'est le tabiri qui l'a ramené. C'est pour ça que certains des aïmans, comme l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, ou l'imam Abu Daoud, et Cheikh Mughbal, il y en a parmi les contemporains, ils ont jugé que le hadith, il n'est pas authentique. Comme l'a évoqué Cheikh Mughbal, rahimahullah, dans son livre, à Hadith al-Mu'alla, la page 169. Enfin, le hadith, il n'est pas authentique. Lakin, est-ce pour autant que le même, c'est-à-dire le texte, n'est pas authentique? Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a une parole, Jamila Jiddan. Souvent, il dit lorsque c'est ce genre de situation-là, lorsque la chaîne de transmission est faible, et que le hadith, le texte, lui, il correspond aux valeurs de l'islam, fait, il dit ça, ce hadith, da'iful mabna, dont la fondation est faible, sahihul ma'na, lakin, le texte est juste. Fa'ata kadalika, le hadith, sa chaîne de transmission, elle est fausse, lakin, le sens ha'ana, le sens est sahih. Le sens est sahih. Il est dit qu'il demandait à Allah Azzawajal, le bien de ce vêtement-là est le bien pour lequel il a été créé et qu'il recherchait le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de ce vêtement-là et le mal pour lequel il a été créé. Enfin, le vêtement, ça peut être un mal pour une personne. Il peut se pavaner dans ce vêtement, il peut être pris d'orgueil, s'émerveiller, penser qu'il est au-dessus des autres, comme c'est le cas. Certains qui portent des vêtements qui sont de marque, il pense qu'il est au-dessus de l'autre. Ça peut être un sebab qui va le pousser à avoir de l'orgueil. Enfin, il y a un mal dans dans les vêtements. Donc, yani, vu que c'est un mal, on se doit de rechercher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le refuge et la protection. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَنْ خَلَقَ. C'est pour ça qu'on a dit, le texte, il est loin. Le texte, il est sahih. Parce qu'Allah Azzawajal nous demande, nous recommande de prendre la protection auprès de lui contre le mal qui a été créé. Contre le mal qui est créé. C'est-à-dire le mal, c'est pas un mal en lui-même. C'est un mal si jamais tu l'utilises en mal. Allah Azzawajal, tout ce qu'il fait, c'est un bien. Lakin, il crée le bien et le mal. Le bien afin qu'on soit reconnaissant, il crée le mal afin qu'on soit patient. L'argent, est-ce que c'est un bien ou c'est un mal? C'est un bien pour celui qui le prend en bien et c'est un mal pour celui qui l'utilise dans le mal. Shaitan, qui est la source du mal, c'est un mal pour qui? Pour tout le monde là. C'est un mal pour celui qui va répondre à l'appel de Shaitan. Enfin, dans cette ayah là, il est dit, donc le vêtement, ça peut être un mal, oui. Parce que tu peux, comme on a pu évoquer, te pavaner, te être orgueilleux par rapport à ce vêtement-là. Que ce soit par rapport à la marque ou bien par rapport à la manière dont il a été confectionné, tu peux être pris d'orgueil. Et dans un hadith qui est sahih, apporté par Bukhari al-Muslim, قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده. Quand un homme se pavanait émerveillé dans ses vêtements, il frusse pas bien l'arbre. Lorsque soudain, il s'en mit ça sous la terre. قال فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. Et il ne cessera de s'en hisser sous la terre jusqu'au jour dernier. Jusqu'au jour dernier. Pourquoi? Parce que ce vêtement-là, il a fait qu'il s'est émerveillé, s'est pavané. Il a eu de mauvaises attitudes, il a pris les gens de haut, il était hautain. Enfin, c'est un mal. Enfin, c'est un mal, le vêtement. C'est pour celui qui l'aura utilisé en mal. Donc, ce hadith-là, même si jamais la chaîne de transmission n'est pas authentique. On va répéter le hadith. Allahumma lakal hamd anta kasawtani, c'est Allah qui donne. La chaque wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. La louange t'appartient, c'est toi qui m'as bâti. As'aluka min khayrihi, je te demande le bien de ce vêtement-là, afin que je ne sois pas hautain, afin que je ne prenne pas les gens de haut, afin que je ne sois pas orgueilleux, afin que je ne me pavane pas dedans, que je ne marche pas d'une attitude qui montre que je suis orgueilleux. Wa a'udhu bika min sharrihi, je te demande, je prends le refuge, je ne prends pas contre le mal de ce vêtement. Wa sharri ma suni'a lakin. Là, je suis en train de dire qu'on peut le dire ce genre de dua-là, parce qu'Allah nous demande de prendre la protection contre le mal qui est créé, et parmi cela, les vêtements. Là, lorsque tu le dis, on le dit tout en ayant la conviction qu'Allah Azzawajal nous a légiféré le fait de prendre refuge auprès de lui contre le mal. Et on n'est pas en train de prononcer cette invocation-là, tout en se disant qu'on est en train de mettre en application une sunnah. Là, il faut faire la différence entre les deux. Ce hadith-là n'est pas authentique. Est-ce que le prophète avait pour l'habitude de le dire ou pas? On n'a pas le hadith, il est faible. Donc on n'a rien qui nous montre cela. Donc le fait de dire que c'est une sunnah, t'as pas les outils pour cela, t'as pas les arguments. Les arguments te manquent. Tu ne peux pas dire que c'est une sunnah. La Kémen, lorsqu'on le dit, est-ce qu'on le dit avec une conviction que ça fait partie de la sunnah? Ou bien on le dit avec la conviction qu'Allah nous a légiféré de prendre la protection auprès de lui contre le mal. C'est ça, la deuxième option. Donc on peut dire cette dua-là, pas parce que c'est une sunna, parce que c'est un mal. Le vêtement, c'est un mal, et on doit prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla. J'espère, Inch'Allah, que je me suis fait comprendre. On va évoquer Kazalik, parmi les adab, dans Al-Libas. Parmi les adab dans Al-Libas, là on a évoqué qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on voit un vêtement qui est neuf, qu'est-ce qui doit être dit lorsque tu es en train de t'habiller. Il n'y a rien, donc on dit bismillah, nasta'in billah, parce qu'on ne peut se vêtir que si Allah Azza wa Jalla nous aide. Donc tu prends l'aide auprès d'Allah, bismillah, comme on peut voir, asta'in. Est-ce que al-an, il y a une manière de se vêtir, de commencer par un côté, ou bien on peut s'habiller comme on veut, on commence à se vêtir par la droite et, ou bien par la gauche. Fajal hadith idalika. Al-hadith alladhi fi as-sunan. في سنن الأربعة سنن الترمذي داود أبو داود النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم وإذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم. Lorsque vous habillez et que vous faites le wudu, commencez par la droite. فكذلك lorsqu'on t'habille, la sunna c'est que tu commences par la droite. Je rentre mon t-shirt, Je commence par quoi? La main gauche ou bien la main droite? J'enfile la main droite. Ensuite, je sors la main gauche. إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بما يمينكم. Commencez par la droite. فابدأوا بما يمينكم. Commencez par la droite. Le hadith est authentique. كذلك جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث إذا في البخاري ومسلم أن عائشة قالت عائشة أدي كان رسول الله للخفت عليه الصلاة والسلام في بقابتي لدير يعجبه التيمم في شأنه كله وطهوره وترجه وتنحله. Le prophète, alayhi wa sallam, aimait commencer dans toutes ses affaires par la droite. Que ce soit lorsqu'il se purifie, al-wudu, al-ghusl, wa tarajjulihi lorsqu'il se coiffe, wa tana'ulihi lorsqu'il se chausse. Donc ça, c'est la sunnah. La sunnah, c'est de commencer par la droite lorsqu'on se chausse, lorsqu'on s'habille, lorsqu'on se coiffe, dans toutes les choses. Ils ont dit, les ulama acceptaient les choses qui sont dans lesquelles il y a un fi'alih. Les choses qui ne sont pas agréables de faire comme le fait de rentrer dans les toilettes, ceci et cela. Le fait de se décroter, ils ont dit qu'il faut éviter de mettre la main droite dans le nez, mais de faire ça de la main gauche. Pourquoi? Parce que, quand il y a eu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit le hadith, quand il y a eu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les tahourihi, les shimalihi, les tanazuhi. Le hadith est bien que dans ces termes. Qala, rahimahullah, babouma, يقول حال خروجه من بيته. Qu'est-ce que doit dire un musulman lorsqu'il sort de chez lui? كذلك il y a des invocations à lire. Il y en a deux qui sont authentifiées. قال اللهم أعوذ بك أن أضل وأضل. Ô Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre le fait que je m'égare ou que on m'égare. أو أزيل أو أزل. Que je commette une faute ou qu'on me fasse commettre une faute. أو أظلم أو أظلم. Que je sois injuste ou que je subisse une injustice. أو أجهل أو يجهل علي. Que je sois ignorant ou bien que qu'on le soit envers moi. Qu'on soit ignorant envers moi. Et le hadith, il est authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج il disait ces grandes dua. Parce que tu sors, le hadith, tout le monde dans le shahid, il dit donc le shahoud on dit on demande le refuge auprès d'Allah et Azzawajal contre la fitna, l'épreuve de la vie et l'épreuve lorsque vient la mort. L'insan lorsqu'il sort de chez lui il va être éprouvé, chez lui il est éprouvé. Il doit prendre le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'avoir un sabbat, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le raffermisse. Et parmi ceux-là cette dua-là, Allahumma يا الله أعوذ بك je prends le refuge auprès de toi أن أضل أو أضل que je m'égare ou bien que l'on m'égare qu'il fasse une erreur ou bien que on lui fasse commettre une erreur. Ça c'est une dua qui est عظيم جدا parce que soit tu vas être opprimé ou soit tu vas être l'opprimeur. Soit tu vas être opprimé soit tu vas être l'opprimeur. Donc dans les deux cas il faut que tu prennes le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la justice et contre l'injustice et contre l'oppression. Alors, le hadith, dans ces termes-là, c'est le fait de prendre, lorsqu'on sort de nos maisons, le refuge auprès d'Allah et Azzawajal contre l'injustice, le fait d'être mauvais envers les gens, et le fait d'être opprimé. Le fait d'être opprimé. Alors, qala hahuna, qala an udil. Alors, on va évoquer la terminologie de Addal, celui qui est égaré. Qui est égaré, qala le Cheikh l'Islam, rahimahullah, qala huwa didd al-muhtadi. L'égaré, si elle nous a dit plutôt la personne qui est égarée, c'est l'inverse, c'est l'opposé de l'muhtadi, celui qui est bien guidé. C'est celui qui a dévié de la voie de la vérité. Bila'il, sans science. Donc là, on voit qu'il y a une différence entre al-ghawi wa-dhal. Al-ghawi, c'est celui qui a dévié de tariq al-haq avec science, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'il est en train de s'égarer. Tandis que l'Abdal, il pense qu'il est en train de faire les choses comme il se doit, mais en vérité, il est en train de s'égarer. Donc il ne sait pas qu'il est en train de s'égarer. Il a dit ces paroles dans Majma'a Fatawa, le volume 20, la page 109. Il a dit, rahimahullah, kadhalika, قال فضل قال لا يعلم الحق بل يظن أنه على الحق. Celui qui est égaré, c'est celui qui ignore. Comme la vérité, il pense qu'il est sur la vérité. قال وهو جاهل به كما عليه النصارى. Or cette personne-là ignore la vérité, comme c'était le cas des Nasara, Allah Azzawajal nous évoque ceux qui sont les plus égarés, hein, ceux qui sont les plus perdants. C'est ceux qui, ceux qui se sont égarés et qui pensaient qu'ils étaient sur le bon chemin. Celui qui pense qu'il va retrouver l'agrément d'Allah et sa miséricorde, c'est pas par le fait de faire des bid'ahs, parce que la personne qui fait une bid'ah, il pense qu'il est en train de faire du bien. Celui qui prend le chapelet et puis qui fait le tasbih, il pense qu'il est en train de faire du bien. Celui qui est en train de fêter l'anniversaire du prophète, il pense qu'il est en train de faire du bien. Celui qui il fait le Saint-Valentin, il fait lorsque c'est Noël, lorsque c'est le Nouvel An, il fait comme eux, il pense qu'il est en train de faire du bien. Enfin, celui-là, il va arriver, il va penser qu'il n'a rien fait de mal. Or, il arrive durant le Qiyama et il est égaré. Enfin, là, on appelle Bal. Celui qui ignore qu'il est égaré. Amal Rawi, ça c'est les Yahoud. C'est la sifat des Yahoud. C'est ceux qui sont égarés, mais qui savent, ils sont en train de s'égarer. Il le fait avec. En pleine conscience de cela. Enfin, Abdal, dans le hadith, c'est le fait d'éviter cela, parce que ça, c'est pire. Ama, celui qui est Rawi, il sait qu'il est en train de faire une erreur, peut-être que. Il va revenir parce qu'il sait là qu'il est dans l'erreur. Tandis qu'Abdal, il n'est pas au courant qu'il est dans l'erreur. Donc comment il va revenir? C'est pour ça que dans le hadith, il a dit la mission qu'il a Hujiba tawbat al-mubtadi'. Le repentir pour le mubtadi', elle a été voilée. Pourquoi? Parce que celui-là, il a l'aywafak, c'est-à-dire qu'il est en train de faire une chose, il pense qu'il est en train d'agréer Allah Azza wa Jal. Toi, tu vas venir et lui dire non, c'est faux. Mais il va dire celui-là, il est en train de vouloir me barrer la route. Il est en train de vouloir m'empêcher de m'approcher d'Allah. Il ne va pas revenir. C'est pour ça qu'il a dit Hujiba tawbatuhu. Le repentir du muqtadir de l'innovateur, il a été voilé. Pourquoi? Parce que Zuyyina lahu a'malahu. Ses œuvres ont été embellies. Comment il va revenir? Enfin, Abdallah, ça c'est khatam jiddan. Ça nous invite à, lorsqu'on dit A'udhu bika an udhil wa udhal, on dit cette dua-là à laquelle on fait l'asbab. C'est-à-dire on apprend dans la religion. Parce que si jamais tu ne fais pas l'effort d'apprendre, comment tu vas savoir? Et ça, le fait de ne pas savoir, ça c'est l'ami de l'égarement. C'est par là que tu tombes dans l'égarement, parce que tu ne sais pas. Enfin, l'ignorance, ce serait une grosse faiblesse, et qui va te ramener vers cet égarement-là, et qui peut avoir une influence sur ta religion, et qui ira le fait que tu reviendras. Le cheikh, il a oublié d'évoquer que dans certaines riwayas, dans certaines versions du hadith, il est dit que Umm Salama, radiallahu anha, la femme du prophète, elle a dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج le prophète, ou plutôt disait, ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي. Le prophète ne sortait pas de sa maison sans que إلا رفع طرفه إلى السماء. Sans qu'il levait son doigt vers les cieux. Ou plutôt ses yeux. Et il disait cette dua, اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل. Donc il le disait en regardant vers les cieux.